خالص On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas خالص On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas خالص On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas خالص On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas Passe libéré à la Tess, y'a la CR, on est grillé. A5 dans la bagot, les rats de la ZUP éparpillés. La ATX, la ZN, c'est des vieux bacs refoulés. Ils font mal au boulot, y'a trop de ratus qu'ils ont boulé. On se noie dans la rapta et on en ressort sans bouée. Tout l'été écroué, c'est pas facile, faut avouer. Faut avouer. Et devant l'opèche, mon amigo, il faut toujours nier. Non, non, non. Les coups des meufs, le gros, tu sais que nous, on court derrière. Khalis, on t'arrache des mains, même si nous de la rire, on t'aime pas. Khalis, on t'arrache des mains, même si nous de la rire, on t'aime pas. Khalis, on t'arrache des mains, même si nous de la rire, on t'aime pas. Khalis, on t'arrache des mains, même si nous de la rire, on t'aime pas. Certains au RMI, c'est banaf pour faire zerma. Madame la juge veut sortir, elle dit faut que t'es un khed mort. Ils t'aident pas, ce qu'ils te donnent en RPS, ils te le reprennent en moins de 2. En promenade des Paco, ça en jetait plus de 23. En celle-là toute la nuit, je me faisais des gros joints de bœufs. Mes souvenirs reviennent pas, la justice a ses raisons, mais qui nous convient peu. C'est la merde, mais on garde le sourire, car nous on sait que le soleil viendra et que la foudre, elle s'abattra sur eux. Laissez-moi dans mon délire, qu'est-ce que je suis bien tout leader, façon on va finir sans moi. Plein de choses à vous dire, mais y'a une seule chose qu'on vise, on veut venir. On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas, Khalis. On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas, Khalis. On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas, Khalis. On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas, Khalis. On t'arrache des mains même si nous de la rire on t'aime pas, Khalis. De la rire on t'aime pas, Khalis.